Ouais, style fraîche. Yao. Des nuits passées au fond avec elle, je m'en rappelle. Mariage et enfant, on verra après. Dans ma folie, je pourrais tout plaquer. Elle sait que je peux tout plaquer. Ses copines et ses potes se renseignent sur mon cas et elle voit que je suis clean et ça le fait. Ouais. Mais le quotidien la rend paro et la nuit je suis dans le wood. Les potos me disent l'amour ça ramollit. Les promesses c'est des mots. Je tiens ma parole, c'est promis. Et la nuit je suis dans le wood. Les potos me disent l'amour ça ramollit. Les promesses c'est des mots. Je tiens ma parole, c'est promis. Y'a trop de mots, mots, trop de mythos, il faut qu'on se comprenne. Avant qu'il ne soit trop tard, trop tard. Il faut qu'on cause, cause, il faut qu'on ose, ose. Car je vois trop de peine. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est dans la merde que j'ai grandi, que j'ai fleuri ma belle. Alors comprends que je décroche quand c'est le crime qui m'appelle. T'aimerais qu'on s'envole ensemble, mais mon cœur bat de l'aile. Mon amour est parti en fumée comme à Kingston. J'suis un bad man. Ça te rend malheureuse quand j'te dis la vérité. Et tu crois que t'es heureuse parce que t'as menti. J'suis dans une impasse, j'suis avec mes compagnons. Plus le temps passe, plus je sais qui m'accompagnera. Dans les tréfonds, dans les bas-fonds, stylés en téflon. Là où les balles nous effleurent, des pétales de fleurs pour sécher tes pleurs. Y'a trop de mots, mots, trop de mythos, tôt. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Il faut qu'on cause, cause, il faut qu'on ose, ose. Car je vois trop de peine. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu dises que j'ai tout, tout, tout, tout gâché. Rien ne sert de trop, trop, trop, trop parler. Je te le promets, je vais tout, tout, tout réparer. Avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'instant c'est de trop tard, trop tard, trop tard. Avant qu'il soit trop tard, trop tard. Trop tard, oui. Avant qu'il soit trop tard, il faut qu'on se comprenne. On se comprenne. Avant qu'il soit trop tard, il faut qu'on se comprenne. On se comprenne. Avant que tu dises que j'ai tout, tout, tout, tout gâché. Rien ne sert de trop, trop, trop, trop parler.